Ouais, bah en fait, quand il était petit, Lamonté Young, il vivait dans une cabane en campagne avec son père et il était fasciné par le vent qui soufflait un peu tout le temps et qui s'engouffrait dans des cavités et qui faisait des résonances. Et c'est un des trucs qu'il a voulu recréer avec la Dream House, j'ai l'impression, et c'est aussi pour ça qu'il s'est intéressé dans ses compositions au souffle continu, comme quelque chose de tenu qui dure plus longtemps que ce que le corps humain peut normalement tenir, mais avec un côté un peu berceuse aussi, parce que le son du vent qui souffle, ça ressemble pas mal à ce qu'on appelle un bruit blanc, c'est un bruit qui est composé de toutes les fréquences, et ça peut aider à s'endormir. Il y a même une étude qui a montré l'amélioration de qualité du sommeil à la suite de l'écoute de bruits blancs chez des New-Yorkais qui habitent en plein centre-ville, et c'est fou de se dire que dans une ville bruyante, ce qui nous apaise le plus, c'est un bruit neutre, et c'est aussi pour ça qu'on trouve plein de vidéos sur internet de bruits blancs qui durent plusieurs heures. Mais après, le bruit blanc, c'est aussi le bruit de fond des systèmes audio. Généralement, tu n'entends pas, sauf quand tu pousses à fond le volume de tes enceintes, mais il est tout le temps là, en arrière-plan, et c'est un peu le silence de la machine, on pourrait dire. Et c'est drôle parce que le bruit de fond d'un système audio, on appelle ça aussi du souffle. Mais bon, pour en revenir à la Dream House, il y avait vraiment cette espèce d'utopie hippie de créer un espace pour le rêve, et lui-même, Lamonté Young, il a dit que si on évoluait toute notre vie dans un espace tel que la Dream House, tout serait différent, genre il y aurait moins de guerre dans le monde, on serait plus connecté à quelque chose de spirituel, etc. Mais le truc, c'est que les hippies de l'époque sont vraiment devenus les néolibérales d'aujourd'hui, et que cette utopie, on peut la retrouver un peu partout, dans un monde capitaliste, comme par exemple les lieux un peu tranquilles pour se ressourcer, avec cette musique New Age de relaxation qu'on va diffuser dans les magasins bio ou les cours de yoga, une espèce de soupe musico-spirituelle, le tout dans une approche wellness où on cherche à rendre productifs nos corps en évacuant le stress, en mangeant bien et en faisant de l'exercice tous les jours dans la santé et le bien-être. Et dans un autre registre, je pensais aussi aux bagnoles électriques, parce que les bagnoles électriques, elles sont obligées de faire du son quand elles roulent pour qu'on les entende bien, et du coup les marques de bagnoles électriques, elles demandent à des designers sonores ou des compositeurs de créer le son de leur bagnole électrique, et c'est un son de drone justement. Donc le bruit de la ville qui est aujourd'hui dominé par celui du moteur à explosion va petit à petit être remplacé par différents drones diffusés par des bagnoles électriques, et ça, ça réalise bien le rêve de Lamonté Young finalement, d'être dans un monde noyé dans le son des drones. Et ça pose aussi la question du copyright, parce que si tu enregistres la ville avec ses bagnoles électriques, et ben t'enregistres une création sonore, et est-ce que tu peux diffuser des enregistrements de la ville sans payer des ayants droit après? Bah ça je sais pas, mais ça m'étonne pas non plus, parce qu'apparemment Lamonté Young et Marianne Zazila, ils sont un peu regardants sur le copyright, et il y a même des enregistrements de l'époque qu'il et elle n'éditent pas, de peur que Tony Conrad et John Cale en demandent la paternité, parce qu'ils ont aussi vachement aidé à la création de la Dream House apparemment. Enfin bon, tout ça, en tout cas aujourd'hui, je sais pas si ça me fait vraiment rêver quoi.